Je suis à hauteur d'une voie de stockage sur ma gauche. Devant moi, un bus est arrêté à un feu rouge. Placé où je suis et selon l'itinéraire que je souhaite prendre, je peux tout aussi bien continuer tout droit ou tourner à gauche, et dans ce cas, mettre le clignotant et me placer à gauche. Réponse A et C.